Désolé de vous décevoir, mais nous n'irons jamais voir une exoplanète de près. Jamais. C'est notamment la raison pour laquelle l'existence de milliards d'exoplanètes ne m'émeut guère. Et ça explique aussi, entre autres, pour quelles raisons nous n'avons jamais reçu la visite d'aliens depuis que l'écriture existe ici-bas. Vous pourrez me rétorquer qu'il ne faut jamais dire jamais. Vous avez raison, mais là, tout de même, tentons une petite démonstration. Prenons le cas d'une exoplanète qui serait très intéressante au vu de ses caractéristiques et qui serait située très près de nous, disons à 10 années-lumière. Imaginons que l'on souhaite aller l'explorer. 10 années-lumière, tout le problème est là. À l'échelle de la galaxie, cette distance est ridicule, la Voie lactée faisant environ 200 000 années-lumière de large. Mais pour nous, c'est loin, 10 années-lumière, très loin, beaucoup trop loin pour une espèce comme la nôtre. On peut rappeler qu'une année-lumière fait environ 9 000 milliards de kilomètres. Un bon repère de ce que nous parvenons à produire de mieux en termes de voyages spatiaux est le programme des sondes Voyager. Voyager 1 vient tout juste l'année dernière de quitter le système solaire, au bout de 37 ans de voyage. Elle se trouve aujourd'hui à une distance de 0,0019 années-lumière de la Terre, en 37 ans. Pour parcourir les 10 années-lumière de notre cas de figure, une sonde du même type devrait ainsi voyager durant 195 000 ans. Mais allez, soyons optimistes envers les progrès techniques. Imaginons que nous parvenions à créer des sondes qui peuvent aller 10 fois plus vite. Le voyage ne durerait donc alors plus qu'un peu moins de 20 000 ans. Mais au fait, vous imaginiez quoi? Une mission de robot ou bien une mission habitée? Ah, c'est très différent. Mais dans les deux cas, il faut pouvoir transmettre des informations à la Terre. Le but est tout de même d'explorer et de transmettre ce que l'on découvre à l'humanité. Il est donc nécessaire d'utiliser de l'énergie et de pouvoir envoyer et recevoir des signaux électromagnétiques. Je ne vous cache pas que les panneaux solaires fonctionnent encore jusque Mars, mais au-delà, ça devient vite problématique. La luminosité du Soleil devient bien trop faible pour être utilisé, et c'est une autre source d'énergie qu'il faudra utiliser. Aujourd'hui, toutes les sondes partant au loin, comme les Voyager, Cassini ou autres New Horizons, utilisent des générateurs thermoélectriques à base de plutonium, qui fournit naturellement de la chaleur par sa désintégration radioactive. Mais comme tous les corps radioactifs, ils possèdent une période de décroissance déterminée. Et on considère que la radioactivité a totalement disparu au bout de 10 fois la période de l'isotope. Cette période vaut 86 ans pour le plutonium-238. Au bout de 860 ans, on n'a donc plus d'énergie. Il faudra trouver encore une autre source d'énergie pour tenir 20 000 ans. Mais bon, imaginons que l'esprit humain du futur saura inventer l'énergie absolue, un réacteur à fusion nucléaire miniaturisé qui tient dans une sonde et hop, lançons notre robot vers cette exoplanète qui nous semble pouvoir abriter la vie. Nous sommes en 2314, la fusée part. La sonde, judicieusement baptisée New Earth, voyage durant 20 000 ans en ligne droite, droit vers Kepler 5267b, qui est notre cible. Rappelons qu'elle va 10 fois plus vite que ce que l'on sait faire et qu'elle embarque un réacteur à fusion nucléaire miniaturisé, hein, dont la version grosse comme un immeuble n'existera même pas en 2050. Pour tout savoir sur cette attrayante exoplanète, nous devons écouter la sonde quand elle arrivera sur place, 20 000 ans plus tard. Mais avant qu'elle arrive sur place, il faut qu'elle freine. Et la meilleure façon de faire, c'est d'utiliser les rebonds gravitationnels, comme ce que l'on fait couramment avec toutes nos sondes d'exploration du système solaire. Et pour bien faire les choses, il faut connaître au moins aussi bien le système de Kepler 5267b que notre propre système solaire, de manière à pouvoir calculer très précisément la trajectoire à emprunter et le moment à la minute, voire à la seconde près. Bon, admettons que nos futurs astronomes soient des astromètres hors pair et parviennent à tout connaître sur le système de Kepler 5267, pourtant situé à 10 années-lumière, et qu'ils parviennent à calculer très très précisément tout ça. Mais que se passera-t-il durant les 20 000 ans qui vont s'écouler entre le lancement de New Earth et son arrivée autour de Kepler 5267b? Comment conserver et transmettre l'information dans le temps? Comment faire comprendre aux scientifiques du futur qu'ils doivent écouter la sonde New Earth à partir d'un certain jour à 20 000 ans d'intervalle? Écouter la sonde. La puissance de notre réacteur à fusion nucléaire miniaturisé ne sera tout de même pas fantastique, et il est fort à parier qu'à 10 années-lumière de distance, le signal sera très très faible. La technologie dans 20 000 ans aura peut-être même rendu impossible la détection de ce signal en occupant toutes les bandes électromagnétiques. Ou bien seulement à cause de la température de l'atmosphère. Mais ça, c'est une autre histoire. Le petit souci de la transmission sera également que le signal mettra 10 ans à transiter entre la sonde et la Terre. Il n'y a donc pas d'interactivité possible. Le transfert d'informations ne devrait se faire que dans le sens sonde-Terre. Reste aux hommes du futur lointain à décoder l'information selon les éléments qu'ils auront conservés durant 20 000 ans. Il faut penser aux informations que nous ont transmises les hommes de Néandertal pour s'imaginer la situation. Je vois déjà les plus hardis d'entre vous se dire « Mais si c'est si compliqué, pourquoi ne pas envoyer des hommes ?»« Ah bien sûr, bien sûr, bien sûr, envoyons des hommes et des femmes, car il en faudra. » Il faudra en fait une très grande population, et pas seulement un petit équipage, bien entendu. 20 000 ans, c'est 700 générations. Une sorte d'arche de Noé, où il faudra faire vivre des centaines de personnes durant 200 siècles, confrontées à de multiples mutations génétiques provoquées par le rayonnement cosmique incessant, et sans possibilité de créer par eux-mêmes le progrès scientifique et technique nécessaire à leur évolution. Oublions. Passons à la cryogénisation des corps. Il ne reste plus que ça. Il faut dormir pendant 20 000 ans. Et surtout, il faut que le système de cryogénisation tienne le coup pendant tout ce temps. Et par exemple, que notre réacteur à fusion ne vienne pas à bout de son deutérium et de son tritium. Ce qu'il y a, c'est qu'au moment du lancement, les réacteurs à fusion n'existeront que depuis 250 ans, à peine. On ne les aura jamais testés sur des périodes plus longues. Idem pour les systèmes à cryogénisation. Pour tenir 20 000 ans, c'est chaud. En plus, ça ne marche que dans les films, la cryogénisation. Mais bon, imaginons qu'en 2314, cela fonctionne. Nos astronautes se réveillent à l'approche de Kepler 5267b, réveillés par l'ordinateur de bord qui n'a pas planté durant 20 000 ans. Bien sûr. Leur corps a subi les dégâts des rayonnements cosmiques durant tout le trajet. Le froid cryogénique a endormi l'activité réplicatrice de leurs cellules, mais leur ADN n'en est pas moins complètement détruit par les rayons cosmiques. Dès leur réveil, leur organisme se remet en route, mais il fait n'importe quoi. Leur durée de vie est de fait très limitée. Et ils sont de plus livrés à eux-mêmes, toute discussion avec la Terre étant impossible pour les mêmes raisons dites précédemment. Admettons qu'ils découvrent une planète extraordinaire, habitable, géniale et tout, voire habitée. Ils envoient donc toutes leurs informations recueillies vers la Terre pour terminer leur mission. Mais les hommes sur Terre ne sont plus les mêmes qu'eux. La probabilité qu'ils ne les aient pas oubliés pendant tout ce temps est assez faible, ce qui fait de cette mission une mission non seulement suicidaire, mais aussi assez vaine. Notre exemple concernait une planète fictive située à 10 années-lumière et un vaisseau allant 10 fois plus vite que ce que l'on sait faire. L'exoplanète la plus prometteuse, aujourd'hui Kepler 186f, se trouve non pas à 10 années-lumière, mais à 500 années-lumière. Il faut donc multiplier par 50 les durées évoquées ci-dessus. En imaginant encore de plus grandes prouesses technologiques avec une vitesse du vaisseau encore multiplié par 10, soyons fous. La durée pour atteindre Kepler 186f par un robot ou des hommes congelés serait de 100 000 ans. Quel dirigeant ou organisme parviendrait à trouver le financement pour un projet de ce type? Jamais cela ne peut voir le jour. Jamais. Et si vous vous demandez pourquoi nous n'avons jamais eu la visite de créatures extraterrestres, vous avez, je l'espère, un début de réponse. Il est probable que les extraterrestres intelligents, même les plus évolués, et même immensément riches, ne soient au final pas suicidaires. Vous pouvez commenter à volonté ce petit texte qui se veut volontairement un petit peu provocateur.